ça a craché, ça a craché. Je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté et ça a craché. Oh, pa, pa, pa. Ah, c'est dommage. Ah ouais, tu peux pas t'en aller. Sur notre serveur, je repars sur le même. Oh là là là. Oh là là. Plus quitter. Oh là. Ça reste. Thank you. Your bus is dead. You must change the battery or change the bus. C'est moi ça ?